quoi bizarre. Là je suis en playlist ou sur ton téléviseur. Elle me ramène du fric, j'allume un cigare. J't'ai vu assis à la gare, j'étais dans le bolide. J'ai 6000 dans la poche, arme de poing dans la sacoche. Ça tire les balles ricoches, preuve à la pris en bas de ton rapport. J'suis crié épargne-moi, j'ai jamais donné quand ils m'ont auditionné. Bandito habillé en calendrier, de la tête aux pieds, mais il est blindé de love. Dans ma tête c'est le bordel, faut pas que je croise mes démons. C'est pas dans moi l'échelle, fais des réunions pour pas que je démonte. Avec l'équipe dans des coins sombres, tu ne peux pas imaginer deux secondes tout ce qu'on manigance. Elle t'a dit qu'elle t'aimait plus que tout, mais quand t'as su son passé, tu ne voulais plus te fiancer. Bientôt on se retrouve sur une île avec une liasse impossible à cacher. Petit frère ne les écoute pas, ils te vendent du rêve. Voilà qu'en secret ils sont tous fâchés. Dans un bourbier, je sais où t'habites. Dans ma tête que des lovés. Faut des milliards de dinars pour Yuma. Pas besoin de gros bras pour te lever. J'ai deux, trois contacts qui ne font pas de cinéma. Maison Margiela, Villa Marbella, Panamera avec Pamela. Jamais je ne te donnerai mes complices. De toute manière, dans 10 piges, on se reverra. Maison Margiela, Villa Marbella, Panamera avec Pamela. Jamais je ne te donnerai mes complices. De toute manière, dans 10 piges, on se reverra. J'ai passé du gramme au kill, ils ont pas compris. Hier j'ai claqué leur salaire, j'ai versé.